souvent, presque tout le temps. Quand j'ouvre la porte, j'ouvre la boîte, la petite boîte noire du monde. Dedans il fait si sombre que j'y trouve du réconfort. Petite boîte noire du monde, j'aimerais. Je n'ai pas.